Il avait eu le bonheur de rencontrer un homme qui ne s'était pas moqué de son ignorance. Défaut mortel, au milieu des illustres impertinents de l'époque, les Maulaincourt, les Ronquerolles, les Maxime de Trailles, les De Marsay, les Adjudas Pinto, les Vandenesse, qui étaient là, dans la gloire de leur fatuité, et mêlés aux femmes les plus élégantes. Lady Brandon, la duchesse de Langeais, la comtesse de Kergarouët, Madame de Sérisy, la duchesse de Carigliano, la comtesse Ferraud, Madame de Lanty, la marquise d'Aiglemont, Madame Firmiani, la marquise de Listomère et la marquise d'Épart, la duchesse de Maufrigneuse et les Grandlieu. Heureusement donc, le naïf étudiant tomba sur le marquis de Montriveau, l'amant de la duchesse de Langeais, un général, simple comme un enfant, qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme, et voir s'ouvrir pour soi deux maisons, mettre le pied au faubourg Saint-Germain, chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin, chez la comtesse de Restaud, plonger d'un regard dans les salons de Paris en enfilade, et se croire assez joli garçon pour y trouver aide et protection dans un cœur de femme, se sentir assez ambitieux pour donner un superbe coup de pied à la corde roide sur laquelle il faut marcher, avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas, et avoir trouvé, dans une charmante femme, le meilleur des balanciers. Avec ses pensées, et devant cette femme qui se dressait sublime auprès d'un feu de motte, entre le code et la misère, qui n'aurait, comme Eugène, sondé l'avenir par une méditation, qui ne l'aurait meublé de succès. Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de Madame de Restaud, quand un soupir semblable à un « an » de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement sa porte et, quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot.